on cherche à restituer la vue à des aveugles nés. Mais si l'on y regardait de plus près, on trouverait, je crois, qu'il y a bien autant à profiter pour la philosophie en questionnant un aveugle de bon sens. On en apprendrait comment les choses se passent en lui. On les comparerait avec la manière dont elles se passent en nous. Et l'on tirerait peut-être de cette comparaison la solution des difficultés qui rendent la théorie de la vision et des sens si embarrassée et si incertaine. Mais je ne conçois pas, je l'avoue, ce que l'on espère d'un homme à qui l'on vient de faire une opération douloureuse sur un organe très délicat que le plus léger accident dérange, et qui trompe souvent ceux en qui il est sain et qui jouissent depuis longtemps de ses avantages. Pour moi, j'écouterais avec plus de satisfaction sur la théorie des sens un métaphysicien à qui les principes de la métaphysique, les éléments des mathématiques et la conformation des parties seraient familiers, qu'un homme sans éducation et sans connaissance à qui l'on a restitué la vue par l'opération de la cataracte. J'aurais moins de confiance dans les réponses d'une personne qui voit pour la première fois que dans les découvertes d'un philosophe qui aurait bien médité son sujet dans l'obscurité, ou, pour vous parler le langage des poètes, qui se seraient crevé les yeux pour connaître plus aisément comment se fait la vision. Si l'on voulait donner quelque certitude à des expériences, il faudrait du moins que le sujet fût préparé de longue main, qu'on l'élevât, et peut-être qu'on le rendît philosophe. Mais ce n'est pas l'ouvrage d'un moment que de faire un philosophe, même quand on l'est. Que sera-ce quand on ne l'est pas? C'est bien pis quand on croit l'être. Il serait très à propos de ne commencer les observations que longtemps après l'opération. Pour cet effet, il faudrait traiter le malade dans l'obscurité et s'assurer bien que sa blessure est guérie et que ses yeux sont sains. Je ne voudrais pas qu'on l'exposât d'abord au grand jour. L'éclat d'une lumière vive nous empêche de voir. Que ne produira-t-il point sur un organe qui doit être de la dernière sensibilité, n'ayant encore éprouvé aucune impression qu'il ait émoussé? Mais ce n'est pas tout. Ce serait encore un point fort délicat que de tirer parti d'un sujet ainsi préparé, et que de l'interroger avec assez de finesse pour qu'il ne dit précisément que ce qui se passe en lui. Il faudrait que cet interrogatoire se fît en pleine académie, ou plutôt, afin de n'avoir point de spectateurs superflus, n'inviter à cette assemblée que ceux qui le mériteraient par leurs connaissances philosophiques, anatomiques, etc. Les plus habiles gens et les meilleurs esprits ne seraient pas trop bons pour cela. Préparer et interroger un aveugle né n'eût point été une occupation indigne des talents réunis de Newton, Descartes, Locke et Leibniz. Je finirai cette lettre, qui n'est déjà que trop longue, par une question qu'on a proposée il y a longtemps. Quelques réflexions sur l'état singulier de Sanderson m'ont fait voir qu'elle n'avait jamais été entièrement résolue. On suppose un aveugle de naissance qui soit devenu homme fait, et à qui on est appris à distinguer par l'attouchement un cube et un globe de même métal et à peu près de même grandeur, en sorte que quand il touche l'un et l'autre, il puisse dire quel est le cube et quel est le globe. Ce fut M. Molineux qui proposa le premier cette question et qui tenta de la résoudre. Il prononça que l'aveugle ne distinguerait point le globe du cube, car, dit-il, quoiqu'il ait appris par expérience de quelle manière le globe et le cube affectent son attouchement, il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son attouchement de telle ou telle manière doit frapper ses yeux de telle ou telle façon, ni que l'angle avancé du cube qui presse sa main d'une manière inégale doive paraître à ses yeux tel qu'il paraît dans le cube. Locke, consulté sur cette question, dit « Je suis tout à fait du sentiment de M. Molineux. Je crois que l'aveugle ne serait pas capable, à la première vue, d'assurer avec quelque confiance quel serait le cube et quel serait le globe, s'il se contentait de les regarder, quoiqu'en les touchant, il pût les nommer et les distinguer sûrement par la différence de leur figure que l'attouchement lui ferait reconnaître. Monsieur l'abbé de Condillac, dont vous avez lu l'essai sur l'origine des connaissances humaines avec tant de plaisir et d'utilité, et dont je vous envoie avec cette lettre l'excellent traité des systèmes, a là-dessus un sentiment particulier. Il est inutile de vous rapporter les raisons sur lesquelles il s'appuie. Ce serait vous envier le plaisir de relire un ouvrage où elles sont exposées d'une manière si agréable et si philosophique que de mon côté je risquerais trop à les déplacer. Je me contenterai d'observer qu'elles tendent toutes à démontrer que l'aveugle né ne voit rien, ou qu'il voit la sphère et le cube différents, et que les conditions que ces deux corps soient de même métal et à peu près de même grosseur, qu'on a jugé à propos d'insérer dans l'énoncé de la question, y sont superflues, ce qui ne peut être contesté. Car aurait-il pu dire, s'il n'y a aucune liaison essentielle entre la sensation de la vue et celle du toucher, comme messieurs Locke et Molineux le prétendent, ils doivent convenir qu'on pourrait voir deux pieds de diamètre à un corps qui disparaîtrait sous la main. M. de Condillac ajoute cependant que si l'aveugle-né voit les corps, en discerne les figures et qu'il hésite sur le jugement qu'il en doit porter, ce ne peut être que par des raisons métaphysiques assez subtiles que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà donc deux sentiments différents sur la même question et entre des philosophes de la première force. Il semblerait qu'après avoir été manié par des gens tels que messieurs Molineux, Locke et l'abbé de Condillac, elle ne doit plus rien laisser à dire. Mais il y a tant de faces sous lesquelles la même chose peut être considérée qu'il ne serait pas étonnant qu'ils ne les eussent pas toutes épuisées. Ceux qui ont prononcé que l'aveugle-né distinguerait le cube de la sphère ont commencé par supposer un fait qu'il importait peut-être d'examiner. Savoir si un aveugle-né à qui on abattrait les cataractes serait en état de se servir de ses yeux dans les premiers moments qui succèdent à l'opération. Ils ont dit seulement l'aveugle-né, comparant les idées de sphère et de cube qu'il a reçues par le toucher avec celles qu'il en prend par la vue, connaîtra nécessairement que ce sont les mêmes. Il y aurait en lui bien de la bizarrerie de prononcer que c'est le cube qui lui donne à la vue l'idée de sphère et que c'est de la sphère que lui vient l'idée de cube. Il appellera donc sphère et cube à la vue ce qu'il appelait sphère et cube au toucher. Mais quelle a été la réponse et le raisonnement de leurs antagonistes ? Ils ont supposé pareillement que l'aveugle-né verrait aussitôt qu'il aurait l'organe sain. Ils ont imaginé qu'il en était d'un œil à qui l'on abaisse la cataracte comme un bras qui cesse d'être paralytique. Il ne faut point d'exercice à celui-ci pour sentir, ont-ils dit, ni par conséquent à l'autre pour voir. Et ils ont ajouté, accordons à l'aveugle-né un peu plus de philosophie que vous ne lui en donnez. Et après avoir poussé le raisonnement jusqu'où vous l'avez laissé, il continuera. Mais cependant, qui m'a assuré qu'en approchant de ces corps et en appliquant mes mains sur eux, ils ne tromperont pas subitement mon attente, et que le cube ne me renverra pas la sensation de la sphère, et la sphère celle du cube. Il n'y a que l'expérience qui puisse apprendre s'il y a conformité de relation entre la vue et le toucher. Ces deux sens pourraient être en contradiction dans leur rapport, sans que j'en susse rien. Peut-être même croirais-je que ce qui se présente actuellement à ma vue n'est qu'une pure apparence, si l'on ne m'avait informé que ce sont là les mêmes corps que j'ai touchés. Celui-ci me semble, à la vérité, devoir être le corps que j'appelais cube, et celui-là le corps que j'appelais sphère. Mais on ne me demande pas ce qu'il m'en semble, mais ce qui en est, et je ne suis nullement en état de satisfaire à cette dernière question. Ce raisonnement, dit l'auteur de l'essai sur l'origine des connaissances humaines, serait très embarrassant pour l'aveugle-né, et je ne vois que l'expérience qui puisse y fournir une réponse. Il y a toute apparence que M. l'abbé de Condillac ne veut parler ici que de l'expérience que l'aveugle-né réitérerait lui-même sur les corps par un second attouchement. Vous sentirez tout à l'heure pourquoi je fais cette remarque. Au reste, cet habile métaphysicien aurait pu ajouter qu'un aveugle-né devait trouver d'autant moins d'absurdité à supposer que deux sens puissent être en contradiction qu'un miroir les y met, en effet, comme je l'ai remarqué plus haut. M. de Condillac observe ensuite que M. Molineux a embarrassé la question de plusieurs conditions qui ne peuvent ni prévenir ni lever les difficultés que la métaphysique formerait à l'aveugle-né. Cette observation est d'autant plus juste que la métaphysique que l'on suppose à l'aveugle-né n'est point déplacée. Puisque, dans ces questions philosophiques, l'expérience doit toujours être censée se faire sur un philosophe, c'est-à-dire sur une personne qui saisisse, dans les questions qu'on lui propose, tout ce que le raisonnement et la condition de ses organes lui permettent d'y apercevoir. Voilà, madame, en abrégé, ce qu'on a dit pour et contre sur cette question. Et vous allez voir par l'examen que j'en ferai combien ceux qui ont annoncé que l'aveugle-né verrait les figures et discernerait les corps étaient loin de s'apercevoir qu'ils avaient raison, et combien ceux qui le niaient avaient de raisons de penser qu'ils n'avaient point tort. la question de l'aveugle-né, prise un peu plus généralement que M. Molineux ne l'a proposée, en embrasse deux autres que nous allons considérer séparément. On peut demander premièrement si l'aveugle-né verra aussitôt que l'opération de la cataracte sera faite. Deuxièmement, dans le cas qu'il voit, s'il verra suffisamment pour discerner les figures, s'il sera en état de leur appliquer sûrement en les voyant les mêmes noms qu'il leur donnait au toucher, et s'il aura la démonstration que ces noms leur conviennent. L'aveugle-né verra-t-il immédiatement après la guérison de l'organe? Ceux qui prétendent qu'il ne verra point disent, aussitôt que l'aveugle-né jouit de la faculté de se servir de ses yeux, toute la scène qu'il a en perspective vient se peindre dans le fond de son œil. Cette image, composée d'une infinité d'objets rassemblés dans un fort petit espace, n'est qu'un amas confus de figures qu'il ne sera pas en état de distinguer les unes des autres. On est presque d'accord qu'il n'y a que l'expérience qui puisse lui apprendre à juger de la distance des objets, et qu'il est même dans la nécessité de s'en approcher, de les toucher, de s'en éloigner, de s'en rapprocher et de les toucher encore, pour s'assurer qu'ils ne font point partie de lui-même, qu'ils sont étrangers à son être, et qu'il en est tantôt voisin et tantôt éloigné. Pourquoi l'expérience ne lui serait-elle pas encore nécessaire pour les apercevoir? Sans l'expérience, celui qui aperçoit des objets pour la première fois devrait s'imaginer, lorsqu'il s'éloigne de lui, ou lui d'eux, au-delà de la portée de sa vue, qu'ils ont cessé d'exister. Car il n'y a que l'expérience que nous faisons sur les objets permanents et que nous retrouvons à la même place où nous les avons laissés qui nous constate leur existence continuée dans l'éloignement. C'est peut-être par cette raison que les enfants se consolent si promptement des jouets dont on les prive. On ne peut pas dire qu'ils les oublient promptement, car si l'on considère qu'il y a des enfants de 2 ans et demi qui savent une partie considérable des mots d'une langue, et qui leur en coûte plus pour les prononcer que pour les retenir, on sera convaincu que le temps de l'enfance est celui de la mémoire. Ne serait-il pas plus naturel de supposer qu'alors les enfants s'imaginent que ce qu'ils cessent de voir a cessé d'exister, d'autant plus que leur joie paraît mêlée d'admiration lorsque les objets qu'ils ont perdus de vue viennent à reparaître? Les nourrices les aident à acquérir la notion des êtres absents, en les exerçant à un petit jeu qui consiste à se couvrir et à se montrer subitement le visage. Ils ont de cette manière, 100 fois en un quart d'heure, l'expérience que ce qui cesse de paraître ne cesse pas d'exister. D'où il s'ensuit que c'est à l'expérience que nous devons la notion de l'existence continuée des objets, que c'est par le toucher que nous acquérons celle de leur distance, qu'il faut peut-être que l'œil apprenne à voir comme la langue à parler, qu'il ne serait pas étonnant que le secours d'un des sens fût nécessaire à l'autre, et que le toucher, qui nous assure de l'existence des objets hors de nous lorsqu'ils sont présents à nos yeux, est peut-être encore le sens à qui il est réservé de nous constater, je ne dis pas leur figure et autres modifications, mais même leur présence. On ajoute à ces raisonnements les fameuses expériences de Cheselden. Le jeune homme à qui cet habile chirurgien abaissa les cataractes ne distingua de longtemps ni grandeur, ni distance, ni situation, ni même figure. Un objet d'un pouce mis devant son œil et qui lui cachait une maison lui paraissait aussi grand que la maison. Il avait tous les objets sur les yeux et il lui semblait appliqué à cet organe comme les objets du tact le sont à ma peau. Il ne pouvait distinguer ce qu'il avait jugé rond à l'aide de ses mains d'avec ce qu'il avait jugé angulaire, ni discerner avec les yeux si ce qu'il avait senti être en haut ou en bas était en effet en haut ou en bas. Il parvint, mais ce ne fut pas sans peine, à apercevoir que sa maison était plus grande que sa chambre, mais nullement à concevoir comment l'œil pouvait lui donner cette idée. Il lui fallut un grand nombre d'expériences réitérées pour s'assurer que la peinture représentait des corps solides. Et quand il se fut bien convaincu, à force de regarder des tableaux, que ce n'était point des surfaces seulement qu'il voyait, il y porta la main et fut bien étonné de ne rencontrer qu'un plan uni et sans aucune saillie. Il demanda alors quel était le trompeur, du sens du toucher ou du sens de la vue. Au reste, la peinture fit le même effet sur les sauvages. La première fois qu'ils en virent, ils prirent des figures peintes pour des hommes vivants, les interrogèrent et furent tout surpris de n'en recevoir aucune réponse. Cette erreur ne venait certainement pas en eux du peu d'habitude de voir. Mais que répondre aux autres difficultés ? Qu'en effet, l'œil expérimenté d'un homme fait mieux voir les objets que l'organe imbécile et tout neuf d'un enfant ou d'un aveugle de naissance à qui l'on vient d'abaisser les cataractes. Voyez, madame, toutes les preuves qu'en donne M. l'abbé de Condillac à la fin de son essai sur l'origine des connaissances humaines, où il se propose en objection les expériences faites par Cheselden et rapportées par M. de Voltaire. Les effets de la lumière sur un œil qui en est affecté pour la première fois et les conditions requises dans les humeurs de cet organe, la cornée, le cristallin, etc., y sont exposés avec beaucoup de netteté et de force, et ne permettent guère de douter que la vision ne se fasse très imparfaitement dans un enfant qui ouvre les yeux pour la première fois ou dans un aveugle à qui l'on vient de faire l'opération. Il faut donc convenir que nous devons apercevoir dans les objets une infinité de choses que l'enfant, ni l'aveugle-né, n'y aperçoivent point, quoiqu'elles se peignent également au fond de leurs yeux. Que ce n'est pas assez que les objets nous frappent, qu'il faut encore que nous soyons attentifs à leurs impressions, que par conséquent on ne voit rien pour la première fois qu'on se sert de ses yeux, qu'on est affecté dans les premiers instants de la vision que d'une multitude de sensations confuses qui ne se débrouillent qu'avec le temps et par la réflexion habituelle sur ce qui se passe en nous, que c'est l'expérience seule qui nous apprend à comparer les sensations avec ce qui les occasionne, que les sensations n'ayant rien qui ressemble essentiellement aux objets, c'est à l'expérience à nous instruire sur des analogies qui semblent être de pure institution. En un mot, on ne peut douter que le toucher ne serve beaucoup à donner à l'œil une connaissance précise de la conformité de l'objet avec la représentation qu'il en reçoit. Et je pense que, si tout ne s'exécutait pas dans la nature par des lois infiniment générales, si par exemple la piqûre de certains corps durs était douloureuse et celle d'autres corps accompagnée de plaisir, nous mourrions sans avoir recueilli la 100 millionième partie des expériences nécessaires à la conservation de notre corps et à notre bien-être. Cependant, je ne pense nullement que l'œil ne puisse s'instruire, ou, s'il est permis de parler ainsi, s'expérimenter de lui-même. Pour s'assurer, par le toucher, de l'existence et de la figure des objets, il n'est pas nécessaire de voir. Pourquoi faudrait-il toucher pour s'assurer des mêmes choses par la vue ? Je connais tous les avantages du tact, et je ne les ai pas déguisés quand il a été question de Sanderson ou de l'aveugle du Puiseau, mais je ne lui ai point reconnu celui-là. On conçoit sans peine que l'usage d'un des sens peut être perfectionné et accéléré par les observations de l'autre, mais nullement qu'il y ait entre leurs fonctions une dépendance essentielle. Il y a assurément dans les corps des qualités que nous n'y apercevrions jamais sans l'attouchement. C'est le tact qui nous instruit de la présence de certaines modifications insensibles aux yeux, qui ne les aperçoivent que quand ils ont été avertis par ce sens. Mais ces services sont réciproques. Et dans ceux qui ont la vue plus fine que le toucher, c'est le premier de ces sens qui instruit l'autre de l'existence d'objets et de modifications qui lui échapperaient par leur petitesse. Si l'on vous plaçait à votre insu, entre le pouce et l'index, un papier ou quelque autre substance unie, mince et flexible, il n'y aurait que votre œil qui pût vous informer que le contact de ces doigts ne se ferait pas immédiatement. J'observerais, en passant, qu'il serait infiniment plus difficile de tromper là-dessus un aveugle qu'une personne qui a l'habitude de voir. Un œil vivant et animé aurait sans doute de la peine à s'assurer que les objets extérieurs ne font pas partie de lui-même, qu'il en est tantôt voisin, tantôt éloigné, qu'ils sont figurés, qu'ils sont plus grands les uns que les autres, qu'ils ont de la profondeur, etc. Mais je ne doute nullement qu'il ne les vit à la longue et qu'il ne les vit assez distinctement pour en discerner au moins les limites grossières. Le nier, ce serait perdre de vue la destination des organes. Ce serait oublier les principaux phénomènes de la vision. Ce serait se dissimuler qu'il n'y a point de peintre assez habile pour rapprocher de la beauté et de l'exactitude des miniatures qui se peignent dans le fond de nos yeux, qu'il n'y a rien de plus précis que la ressemblance de la représentation à l'objet représenté, que la toile de ce tableau n'est pas si petite, qu'il n'y a nulle confusion entre les figures, qu'elles occupent à peu près un demi-pouce en carré et que rien n'est plus difficile d'ailleurs que d'expliquer comment le toucher s'y prendrait pour enseigner à l'œil à apercevoir si l'usage de ce dernier organe était absolument impossible sans le secours du premier. Mais je ne m'en tiendrai pas à de simples présomptions et je demanderai si c'est le toucher qui apprend à l'œil à distinguer les couleurs. Je ne pense pas qu'on accorde au tact un privilège aussi extraordinaire. Cela supposé, il s'ensuit que, si l'on présente à un aveugle à qui l'on vient de restituer la vue un cube noir avec une sphère rouge sur un grand fond blanc, il ne tardera pas à discerner les limites de ces figures. Il tardera, pourrait-on me répondre, tout le temps nécessaire aux humeurs de l'œil pour se disposer convenablement, à la cornée pour prendre la convexité requise à la vision, à ma prunelle pour être susceptible de la dilatation et du rétrécissement qui lui sont propres, au filet de la rétine pour n'être ni trop peu sensible à l'action de la lumière, au cristallin pour s'exercer au mouvement en avant et en arrière qu'on lui soupçonne, ou aux muscles pour bien remplir leurs fonctions, aux nerfs optiques pour s'accoutumer à transmettre la sensation, au globe entier de l'œil pour se prêter à toutes les dispositions nécessaires et à toutes les parties qui le composent pour concourir à l'exécution de cette miniature dont on tire si bon parti quand il s'agit de démontrer que l'œil s'expérimentera de lui-même. J'avoue que, quelque simple que soit le tableau que je viens de présenter à l'œil d'un aveugle né, il n'en distinguera bien les parties que quand l'organe réunira toutes les conditions précédentes. Mais c'est peut-être l'ouvrage d'un moment. Il ne serait pas difficile, en appliquant le raisonnement qu'on vient de m'objecter, à une machine un peu composée, à une montre par exemple, de démontrer par le détail de tous les mouvements qui se passent dans le tambour, la fusée, les roues, les palettes, le balancier, etc., qu'il faudra 15 jours à l'aiguille pour parcourir l'espace d'une seconde. Si on répond que ces mouvements sont simultanés, je répliquerai qu'il en est peut-être de même de ceux qui se passent dans l'œil, quand il s'ouvre pour la première fois, et de la plupart des jugements qui se font en conséquence. Quoi qu'il en soit de ces conditions qu'on exige dans l'œil pour être propre à la vision, il faut convenir que ce n'est point le toucher qui les lui donne, que cet organe les acquiert de lui-même, et que, par conséquent, il parviendra à distinguer les figures qui s'y peindront sans le secours d'un autre sens. Mais encore une fois, dira-t-on, quand en sera-t-il là ? Peut-être beaucoup plus promptement qu'on ne pense. Lorsque nous allâmes visiter ensemble le cabinet du jardin royal, vous souvenez-vous, madame, de l'expérience du miroir concave et de la frayeur que vous eûtes lorsque vous vîtes venir à vous la pointe d'une épée avec la même vitesse que la pointe de celle que vous aviez à la main s'avançait vers la surface du miroir. Cependant, vous aviez l'habitude de rapporter au-delà des miroirs tous les objets qui s'y peignent. L'expérience n'est donc ni si nécessaire ni même si infaillible qu'on le pense, pour apercevoir les objets ou leurs images où elles sont. Il n'y a pas jusqu'à votre perroquet qui ne m'en fournit une preuve. La première fois qu'il se vit dans une glace, il en approcha son bec, et, ne se rencontrant pas lui-même, qu'il prenait pour son semblable, il fit le tour de la glace. Je ne veux point donner au témoignage du perroquet plus de force qu'il n'en a, mais c'est une expérience animale où le préjugé ne peut avoir de part. Cependant, m'assura-t-on qu'un aveugle né n'a rien distingué pendant 2 mois, je n'en serais point étonné. J'en conclurai seulement la nécessité de l'expérience de l'organe, mais nullement la nécessité de l'attouchement pour l'expérimenter. Je n'en comprendrai que mieux combien il importe de laisser séjourner quelque temps un aveugle né dans l'obscurité, quand on le destine à des observations, de donner à ses yeux la liberté de s'exercer, ce qu'il fera plus commodément dans les ténèbres qu'au grand jour, et de ne lui accorder, dans les expériences, qu'une espèce de crépuscule, ou de se ménager, du moins dans le lieu où elles se feront, l'avantage d'augmenter ou de diminuer à discrétion la clarté. On ne me trouvera que plus disposé à convenir que ces sortes d'expériences seront toujours très difficiles et très incertaines. Et que le plus court, en effet, quoiqu'en apparence le plus long, c'est de prémunir le sujet de connaissances philosophiques qui le rendent capable de comparer les 2 conditions par lesquelles il a passé, et de nous informer de la différence de l'état d'un aveugle et de celui d'un homme qui voit. Encore une fois, que peut-on attendre de précis de celui qui n'a aucune habitude de réfléchir et de revenir sur lui-même, et qui, comme l'aveugle de Cheselden, ignore les avantages de la vue, au point d'être insensible à sa disgrâce, et de ne point imaginer que la perte de ce sens nuise beaucoup à ses plaisirs. Sanderson, à qui l'on ne refusera pas le titre de philosophe, n'avait certainement pas la même indifférence. Et je doute fort qu'il eût été de l'avis de l'auteur de l'excellent traité sur les systèmes. Je soupçonnerais volontiers le dernier de ces philosophes d'avoir donné lui-même dans un petit système lorsqu'il a prétendu que, si la vie de l'homme n'avait été qu'une sensation non interrompue de plaisir ou de douleur, heureux dans un cas sans aucune idée de malheur, malheureux dans l'autre sans aucune idée de bonheur, il eût joui ou souffert, et que, comme si telle eût été sa nature, il n'eût point regardé autour de lui pour découvrir si quelque être veillait à sa conservation ou travaillait à lui nuire. Que c'est le passage alternatif de l'un à l'autre de ces états qui l'a fait réfléchir, etc. Croyez-vous, madame, qu'en descendant de perception claire en perception claire, car c'est la manière de philosopher de l'auteur et la bonne, il fût jamais parvenu à cette conclusion? Il n'en est pas du bonheur et du malheur, ainsi que des ténèbres et de la lumière. L'un ne consiste pas dans une privation pure et simple de l'autre. Peut-être eussions-nous assuré que le bonheur ne nous était pas moins essentiel que l'existence et la pensée, si nous en eussions joui sans aucune altération. Mais je n'en peux pas dire autant du malheur. Il eût été très naturel de le regarder comme un état forcé, de se sentir innocent, de se croire pourtant coupable, et d'accuser ou d'excuser la nature, tout comme on fait. Monsieur l'abbé de Condillac pense-t-il qu'un enfant ne se plaigne quand il souffre que parce qu'il n'a pas souffert sans relâche depuis qu'il est au monde? S'il me répond qu'exister et souffrir, ce serait la même chose pour celui qui aurait toujours souffert, et qu'il n'imaginerait pas qu'on pût suspendre sa douleur sans détruire son existence? Peut-être, lui répliquerai-je, l'homme malheureux sans interruption n'eût pas dit « Qu'ai-je fait pour souffrir ?» Mais qui l'eût empêché de dire « Qu'ai-je fait pour exister ?» Cependant, je ne vois pas pourquoi il n'eût point eu les deux verbes synonymes. J'existe et je souffre, l'un pour la prose et l'autre pour la poésie. Comme nous avons les deux expressions, je vis et je respire. Au reste, vous remarquerez mieux que moi, madame, que cet endroit de monsieur l'abbé de Condillac est très parfaitement écrit. Et je crains bien que vous ne disiez, en comparant ma critique avec sa réflexion, que vous aimez mieux encore une erreur de Montaigne qu'une vérité de Charron. Et toujours des écarts, me direz-vous. Oui, madame, c'est la condition de notre traité. Voici maintenant mon opinion sur les deux questions précédentes. Je pense que la première fois que les yeux de l'aveugle-né s'ouvriront à la lumière, il n'apercevra rien du tout. Qu'il faudra quelque temps à son œil pour s'expérimenter, mais qu'il s'expérimentera de lui-même et sans le secours du toucher, et qu'il parviendra non seulement à distinguer les couleurs, mais à discerner au moins les limites grossières des objets. Voyons à présent si, dans la supposition qu'il acquit cette aptitude dans un temps fort court, ou qu'il l'obtint en agitant ses yeux dans les ténèbres où l'on aurait eu l'intention de l'enfermer et de l'exhorter à cet exercice pendant quelque temps après l'opération et avant les expériences, voyons, dis-je, s'il reconnaîtrait à la vue les corps qu'il aurait touchés, et s'il serait en état de leur donner les noms qui leur conviennent. C'est la dernière question qui me reste à résoudre. Pour m'en acquitter d'une manière qui vous plaise, puisque vous aimez la méthode, je distinguerai plusieurs sortes de personnes sur lesquelles les expériences peuvent se tenter. Si ce sont des personnes grossières, sans éducation, sans connaissance et non préparées, je pense que, quand l'opération de la cataracte aura parfaitement détruit le vice de l'organe et que l'œil sera sain, les objets s'y peindront très distinctement. Mais que, ces personnes n'étant habituées à aucune sorte de raisonnement, ne sachant ce que c'est que sensation, idée, n'étant point en état de comparer les représentations qu'elles ont reçues par le toucher avec celles qui leur viennent par les yeux, elles prononceront « voilà un rond, voilà un carré » sans qu'il y ait de fond à faire sur leur jugement. Ou même, elles conviendront ingénument qu'elles n'aperçoivent rien dans les objets qui se présentent à leur vue, qui ressemblent à ce qu'elles ont touché. Il y a d'autres personnes qui, comparant les figures qu'elles apercevront au corps avec celles qui faisaient impression sur leurs mains, et appliquant par la pensée leur attouchement sur ces corps qui sont à distance, diront de l'un que c'est un carré et de l'autre que c'est un cercle, mais sans trop savoir pourquoi. La comparaison des idées qu'elles ont prises par le toucher avec celles qu'elles reçoivent par la vue ne se faisant pas en elles assez distinctement pour les convaincre de la vérité de leur jugement. Je passerai, madame, sans digression, à un métaphysicien sur lequel on tenterait l'expérience. Je ne doute nullement que celui-ci ne raisonnât dès l'instant où il commencerait à apercevoir distinctement les objets comme s'il les avait vus toute sa vie, et qu'après avoir comparé les idées qui lui viennent par les yeux avec celles qu'il a prises par le toucher, il ne dit, avec la même assurance que vous et moi, « Je serais fort tenté de croire que c'est ce corps que j'ai toujours nommé cercle, et que c'est celui-ci que j'ai toujours appelé carré. Mais je me garderai bien de prononcer que cela est ainsi. Qui m'a révélé que, si j'en approchais, il ne disparaîtrait pas sous mes mains? Que sais-je si les objets de ma vue sont destinés à être aussi les objets de mon attouchement? J'ignore si ce qui m'est visible est palpable, mais quand je ne serai point dans cette incertitude et que je croirai sur la parole des personnes qui m'environnent, que ce que je vois est réellement ce que j'ai touché, je n'en serai guère plus avancé. Ces objets pourraient fort bien se transformer dans mes mains et me renvoyer par le tact des sensations toutes contraires à celles que j'en éprouve par la vue. Messieurs, ajouterait-il, ce corps me semble le carré, celui-ci le cercle. Mais je n'ai aucune science qu'ils soient tels au toucher qu'à la vue. Si nous substituons un géomètre au métaphysicien, Sanderson à Locke, il dira comme lui que, s'il en croit ses yeux, des deux figures qu'il voit, c'est celle-là qu'il appelait carré, et celle-ci qu'il appelait cercle. Car je m'aperçois, ajouterait-il, qu'il n'y a que la première où je puisse arranger les fils et balancer les épingles à grosse tête qui marquaient les points angulaires du carré, et qu'il n'y a que la seconde à laquelle je puisse inscrire ou circonscrire les fils qui m'étaient nécessaires pour démontrer les propriétés du cercle. Voilà donc un cercle. Voilà donc un carré. Mais, aurait-il continué avec Locke, peut-être que, quand j'appliquerai mes mains sur ces figures, elles se transformeront l'une en l'autre, de manière que la même figure pourrait me servir à démontrer aux aveugles les propriétés du cercle, et à ceux qui voient les propriétés du carré. Peut-être que je verrais un carré, et qu'en même temps, je sentirais un cercle. Non, aurait-il repris, je me trompe. Ceux à qui je démontrais les propriétés du cercle et du carré n'avaient pas les mains sur mon abac et ne touchaient pas les fils que j'avais tendus et qui limitaient mes figures. Cependant, ils me comprenaient. Ils ne voyaient donc pas un carré quand je sentais un cercle, sans quoi nous ne nous fussions jamais entendus. Je leur eusse tracé une figure et démontré les propriétés d'une autre. Je leur eusse donné une ligne droite pour un arc de cercle et un arc de cercle pour une ligne droite. Mais puisqu'ils m'entendaient tous, tous les hommes voient donc les uns comme les autres. Je vois donc carré ce qu'ils voyaient carré, et circulaire ce qu'ils voyaient circulaire. Ainsi voilà ce que j'ai toujours nommé carré, et voilà ce que j'ai toujours nommé cercle. J'ai substitué le cercle à la sphère et le carré au cube, parce qu'il y a toute apparence que nous ne jugeons des distances que par l'expérience, et conséquemment que celui qui se sert de ses yeux pour la première fois ne voit que des surfaces, et qu'il ne sait ce que c'est que saillie, la saillie d'un corps à la vue consistant en ce que quelques-uns de ces points paraissent plus voisins de nous que les autres. Mais quand l'aveugle-né jugerait dès la première fois qu'il voit de la saillie et de la solidité des corps, et qu'il serait en état de discerner non seulement le cercle du carré, mais aussi la sphère du cube, je ne crois pas pour cela qu'il en fût de même de tout autre objet plus composé. Il y a bien de l'apparence que l'aveugle-né de M. de Réaumur a discerné les couleurs les unes des autres, mais il y a 30 à parier contre 1 qu'elle a prononcé au hasard sur la sphère et sur le cube. Et je tiens pour certain qu'à moins d'une révélation, il ne lui a pas été possible de reconnaître ses gants, sa robe de chambre et son soulier. Ces objets sont chargés d'un si grand nombre de modifications. Il y a si peu de rapport entre leur forme totale et celles des membres qu'ils sont destinés à orner ou à couvrir, que c'eût été un problème 100 fois plus embarrassant pour Sanderson de déterminer l'usage de son bonnet carré que pour M. d'Alembert ou Clairaut celui de retrouver l'usage de ses tables. Sanderson n'eût pas manqué de supposer qu'il règne un rapport géométrique entre les choses et leur usage, et conséquemment il eût aperçu en 2 ou 3 analogies que sa calotte était faite pour sa tête. Il n'y a là aucune forme arbitraire qui tendit à l'égarer. mais qu'eût-il pensé des angles et de la houppe de son bonnet carré? À quoi bon cette touffe? Pourquoi plutôt 4 angles que 6? Se fut-il demandé. Et ces 2 modifications, qui sont pour nous une affaire d'ornement, auraient été pour lui la source d'une foule de raisonnements absurdes, ou plutôt l'occasion d'une excellente satire de ce que nous appelons le bon goût. En pesant mûrement les choses, on avouera que la différence qu'il y a entre une personne qui a toujours vu, mais à qui l'usage d'un objet est inconnu, et celle qui connaît l'usage d'un objet, mais qui n'a jamais vu, n'est pas à l'avantage de celle-ci. Cependant, croyez-vous, madame, que si l'on vous montrait aujourd'hui, pour la première fois, une garniture, vous parvinssiez jamais à deviner que c'est un ajustement, et que c'est un ajustement de tête. Mais s'il est d'autant plus difficile à un aveugle-né qui voit pour la première fois de bien juger des objets selon qu'ils ont un plus grand nombre de formes, qui l'empêcherait de prendre un observateur tout habillé et immobile dans un fauteuil placé devant lui pour un meuble ou pour une machine, et un arbre dont l'air agiterait les feuilles et les branches pour un être se mouvant, animé et pensant? Madame, combien nos sens nous suggèrent de choses! Et que nous aurions de peine sans nos yeux à supposer qu'un bloc de marbre ne pense ni ne sent. Il reste donc pour démontrer que Sanderson aurait été assuré qu'il ne se trompait pas dans le jugement qu'il venait de porter du cercle et du carré seulement, et qu'il y a des cas où le raisonnement et l'expérience des autres peuvent éclairer la vue sur la relation du toucher et l'instruire que ce qui est tel pour l'œil est tel aussi pour le tact. Il n'en serait cependant pas moins essentiel, lorsqu'on se proposerait la démonstration de quelques propositions d'éternelle vérité, comme il les appelle, d'éprouver sa démonstration en la privant du témoignage des sens. Car vous apercevez bien, madame, que, si quelqu'un prétendait vous prouver que la projection de 2 lignes parallèles sur un tableau doit se faire par 2 lignes convergentes, parce que 2 allées paraissaient telles, il oublierait que la proposition est vraie pour un aveugle comme pour lui. Mais la supposition précédente de l'aveugle-né en suggère 2 autres, l'une d'un homme qui aurait vu dès sa naissance et qui n'aurait point eu le sens du toucher, et l'autre d'un homme en qui le sens de la vue et du toucher serait perpétuellement en contradiction. On pourrait demander du premier si, lui restituant le sens qui lui manque et lui ôtant le sens de la vue par un bandeau, il reconnaîtrait les corps au toucher. Il est évident que la géométrie, en cas qu'il fût instruit, lui fournirait un moyen infaillible de s'assurer si les témoignages des 2 sens sont contradictoires ou non. Il n'aurait qu'à prendre le cube ou la sphère entre ses mains, en démontrer à quelqu'un les propriétés, et prononcer, si on le comprend, qu'on voit cube ce qu'il sent cube, et que c'est par conséquent le cube qui les tient. Quant à celui qui ignorerait cette science, je pense qu'il ne lui serait pas plus facile de discerner par le toucher le cube de la sphère qu'à l'aveugle de M. Molineux de les distinguer par la vue. À l'égard de celui en qui les sensations de la vue et du toucher seraient perpétuellement contradictoires, je ne sais ce qu'il penserait des formes, de l'ordre, de la symétrie, de la beauté, de la laideur, etc. Selon toute apparence, il serait, par rapport à ces choses, ce que nous sommes relativement à l'étendue et à la durée réelle des êtres. Il prononcerait en général qu'un corps a une forme, mais il devrait avoir du penchant à croire que ce n'est ni celle qu'il voit, ni celle qu'il sent. Un tel homme pourrait bien être mécontent de ses sens, mais ses sens ne seraient ni contents ni mécontents des objets. S'il était tenté d'en accuser un de fausseté, je crois que ce serait au toucher qu'il s'en prendrait. Sans circonstance l'inclinerait à penser que la figure des objets change plutôt par l'action de ses mains sur eux que par celle des objets sur ses yeux. Mais en conséquence de ses préjugés, la différence de dureté et de mollesse qu'il observerait dans les corps serait fort embarrassante pour lui. Mais de ce que nos sens ne sont pas en contradiction sur les formes, s'ensuit-il qu'elles nous soient mieux connues? Qui nous a dit que nous n'avons point affaire à des faux témoins? Nous jugeons pourtant. Hélas, madame, quand on a mis les connaissances humaines dans la balance de Montaigne, on n'est pas éloigné de prendre sa devise. Car que savons-nous? Ce que c'est que la matière? Nullement. Ce que c'est que l'esprit et la pensée? Encore moins. Ce que c'est que le mouvement, l'espace et la durée? Point du tout. Des vérités géométriques. Interrogez des mathématiciens de bonne foi. Ils vous avoueront que leurs propositions sont toutes identiques et que tant de volumes sur le cercle, par exemple, se réduisent à nous répéter en 100 000 façons différentes que c'est une figure où toutes les lignes tirées du centre à la circonférence sont égales. Nous ne savons donc presque rien. Cependant, combien d'écrits dont les auteurs ont tous prétendu savoir quelque chose ? Je ne devine pas pourquoi le monde ne s'ennuie point de lire et de ne rien apprendre, à moins que ce soit par la même raison qu'il y a 2 heures que j'ai l'honneur de vous entretenir, sans m'ennuyer et sans vous rien dire. Je suis, avec un profond respect, Madame, votre très humble et très obéissant serviteur.